La radio sud-coréenne MBC annonce que le croiseur de missiles Lee Ku-Champlain, relevant de la flottille de frappe de porte-avions nucléaires américain Carl Vinson, a heurté le 9 un bateau de pêche sud-coréen au cours des exercices de guerre contre le Nord sur les eaux est de l'île de Wulung de Corée du Sud. Le bateau de pêche a été gravement détruit.